Bonjour les amis, je suis Gros Fantôme, on va bien s'amuser. Il a fait un gros fantôme, il a fait un gros fantôme.